Jacques chapitre 4. D'où viennent parmi vous les disputes et les querelles? N'est-ce point de vos voluptés, qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, et vous n'avez point ce que vous désirez. Vous avez une envie mortelle, vous êtes jaloux, et vous ne pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez et vous disputez, et vous n'avez point ce que vous désirez, parce que vous ne le demandez point. Vous demandez, et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, et afin de l'employer dans vos voluptés. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudra être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a habité en nous, nous inspire-t-il l'envie? Il vous donne au contraire une plus grande grâce, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous pécheurs. Nettoyez vos mains, et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères, et lamentez, et pleurez, que votre riz se change en pleurs, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en la présence du Seigneur, et il vous élèvera. Mes frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit de son frère, et qui condamne son frère, médit de la loi, et condamne la loi. Or, si tu condamnes la loi, tu n'es point l'observateur de la loi, mais le juge. Il n'y a qu'un seul législateur, qui peut sauver et qui peut perdre, mais toi, qui es-tu, qui condamne les autres? Or maintenant, vous qui dites, allons aujourd'hui ou demain en une telle ville, et demeurons là un an, et y trafiquons et gagnons. Qui toutefois ne savez pas ce qui arrivera le lendemain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est certes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite s'évanouit. Au lieu que vous deviez dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons ceci, ou cela. Mais maintenant vous vous vantez en vos pensées orgueilleuses. Toute vanterie de cette nature est mauvaise. Il y a donc du péché en celui qui sait faire le bien, et qui ne le fait pas.